Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble? Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. De lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. De solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.